Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès et Fous édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès et Fous pour la semaine du 10 au 16 mars 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et ben comme ça, à chaque fois qu'on fait le Palmarès francophone, vous aurez compris le principe, hein, c'est qu'on déroule comme ça le rebord musical, si on veut. Vous avez compris la référence, là. Du top 20 francophone, donc les pièces les plus aimées des animateurs de C'est Fou. Et le numéro 1 la semaine passée, c'était Radio Radio avec Dex Chou. On va voir si ça tient d'ici la fin. Mais avant ça, par contre, on a plein de choses à entendre, dont deux nouvelles entrées. On va entendre Fred Fortin dans quelques minutes avec le cinéma des vieux garçons. Mais on débute avec la 20e position. Voici Tricot Machine. Et la pièce titre de leur plus récent album, c'est Tout Neuf. Voici Défier les rites. 89 FM, c'est les Palmarès C'est Fou. Et allez voir le www.cfou.ca. pour nous écouter en direct sur Internet et plein d'autres affaires. Ça. Plein. On est parti en sauvage sans faire le ménage. Je ne nous reconnais pas. On est sorti par derrière. On a fermé les lumières. Libéré le char. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. On a sauté des clôtures, fait tomber des murs du bout de nos doigts. On a touché la nature. Respirer l'air pur, retrouver la foi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qui. Numéro 19. Nouvelle entrée. 1, 2, 3, 4. J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. C'est pas comme si je la voyais pas venir. À virer tout et bon dans le salon. Portait sa robe des grandes occasions. Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi j'avale le mouton. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac, que ça laissait aussi entendre à cette heure tes clics et puis tes claques. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaise, ses yeux cherchaient de l'air dans ses lunettes épaisses. Et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. Tu as 40 ans, ça un deux et demi de la main à Dolby. À la projection, et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Le nouvel André de Fred Fortin, ça s'appelle Le cinéma des vieux garçons. C'est sur l'album Plâtrer la lune. C'était précédé en 20e place d'une autre nouvelle entrée, celle-là de Tricot Machine. C'est Défier les rites, la pièce titre de leur album qui est là, qu'on vient d'avoir. On vient de le recevoir il y a quelques jours à peine. C'est tout nouveau, c'est tout frais et ça sonne tellement bon que j'ai hâte de l'entendre au complet. Voilà donc pour le bloc de nouvelles entrées. On entre dans les pièces qui ont changé de place. Un petit peu de chaise musicale. Là, on aime toujours ça. On va entendre du Chinatown et du Monogranal plus tard, mais on débute avec le nombre en 18e. Stable, voici Sur ton île au 89.1 FM. C'est fou! Même si j'ai que tu inondes et que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde. Je faisais des choses sans toi. Je sais que ce n'est pas facile, que le cauchemar revient parfois. Pour traverser, et puis d'abord j'ai déjà fait mon choix. Je n'irai pas sur ton île pour m'ironiser avec toi. Pour 17. Je n'ai plus de temps, et je t'attends au restaurant. son temps. Perdre ses nuits, perdre son argent. Se disperser en 300 instants. Je n'ai plus le temps, j'ai plus d'argent. Silent Town! Et la pièce perdre son temps, ça monte de la 20e place, donc de 4 places. Et c'était une nouvelle entrée, ça, la semaine passée dans le palmarès francophone de C'est fou. Avant Silent Town, on a entendu Monogranal avec Ce soir, ça descend de 7 places. Et au début du bloc, c'était Le Nombre avec Sur ton île qui est stable en 18e. Vous savez, leur album Ville est fantastique. Toujours dans le palmarès francophone, on se rend jusqu'au numéro 1 qui, je vous le rappelle, la semaine passée, c'était Dexou de Radio Radio. On les aime, Radio Radio. OK. Je mets un petit peu trop d'accent sur le radio, mais j'aime ça faire ça. Prochain bloc, Mimi Van Der Loo et Turbo Distortion, mais on débute avec le Sabot Trio qui monte de 2 places. Voici Jenny Girl. Au 89 FM, c'est fou, ça, it's crazy that. Alors, Jenny Girl, as-tu trouvé ton Johnny Boy ce soir? Pourquoi es-tu si mécontent? Ils ont pas donné leur 100%. numéro 13. Avec Hitler en chocolat, ça monte de deux places, c'est en 13e position. Avant, c'était Turbo Distortion, une autre pièce qui rock. Avec Gérard Destrade, ça monte ça aussi de deux places. Et au début du bloc, c'était le Sabot Trio avec Jenny Girl. Pour un bloc qui bûche, finalement. Et ça monte de deux places aussi, donc tout est pareil. Tout le monde se suit comme les triplés musicaux. Hein? Bon. Voilà, vous êtes dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou. Et moi, je dis n'importe quoi, comme à toutes les semaines. Et si vous voulez entendre d'autres fois où je dis n'importe quoi, là, écoutez les éditions précédentes des palmarès, c'est fou en allant télécharger les balado-diffusions et voir les liens de l'émission sur assemblagerequis.com. Alors, le prochain bloc, plus tard, on va entendre Bravo Funkin avec les animaux qui montent d'une place. Mais avant ça, voici Cauchemar de course. Ça monte de 7 places. Et c'est par Bernard Adamus au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Il n'y en a pas deux de même, là, les radios qui ont un jeu de mots directement. Ben, ouais, il y en a peut-être une couple qui ont un jeu de mots dans... Ouais. On n'a pas d'animal, par contre. On a un petit bonhomme avec des cheveux couettés, tu sais. Jésus, il se fire de bord, il me tire dessus. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes tous les deux bien, ils sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mort, petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai dit CNN. J'me dis, hey là, tu me dis tout ce qui passe tout bas. Fait que je m'assois parce que j'ai une faim de loup. La waitress ça me fait du doux. Mais je check comme faux puis je comprends pas. Elle a la face à Mandela. Puis je me dis hey là, il se passe quelque à l'aubénite. Pendant que dit Jésus, toi, y'a les fans. Mandela suçait sa graine. Puis je me dis, hey là, tu passes quelque chose ici, moi je m'en vais de là. Oh, oh. Ça prend le blabla pour faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le tas. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, aïe, il s'est pas de la tarte. En haut du bar, je voyais une pancarte. Vide la place avant que tu partes. Autour, bravo Funkin, les amis au Pakistan et Polyp dans les Panoramas Fou édition Franco. Numéro 11. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le pont, et toi qui chante tes poumons. Les animaux de Bravo Funkin en position numéro 11, ça monte d'une place. Avant, c'était Bernard Adamus avec Cauchemar de course, ça monte de 7 places. Et c'était une nouvelle entrée la semaine passée dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou, que vous écoutez en ce moment, comme ça. Les mercredis et jeudis, c'est les Palmarès C'est fou, entre 13h et 15h. Et ça repasse le vendredi à 17h. Pour ceux qui l'ont raté, bande de vous autres, là, c'est quoi votre maudit problème? Dans le prochain bloc, on va entendre les émeux Pakistan, mais on débute avec Patrick et les Brutes. Voici une pièce qui monte d'une place. Toutes les filles sont folles, moi. Oh, que je l'entends non souvent, hein? Oh oui! Keep making sure I'm a footballer. I've been getting Sa robe. Qu'est-ce que vous voulez? Elle l'aime. Les Amis Pakistan avec ma robe en papier de toilette, ça descend d'une place, c'est en 9e position. Et avant ça, c'était Patrick et les Brutes. Toutes les filles sont folles, moi. Ça monte d'une place. C'est la pièce titre de l'album de Patrick et les Brutes. Là, dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou. Et on continue jusqu'au numéro 1 qui, la semaine passée, je vous le dis encore une fois, c'était Radio Radio avec Dexhu. On va voir si c'est encore en position numéro 1. J'en ai aucune idée. Je ne suis pas du tout un plan là qui va de la position 20 à 1 avec tous les chiffres de la semaine passée, puis le nombre de semaines que ça fait qu'ils sont là, puis le nombre des albums, puis le nombre des étiquettes là. Sûrement pas. Dans le prochain bloc, on va entendre le Husky avec 10 mois qui monte de la 13e. On commence avec Polyp, ça descend d'une place. Voici l'excellente presse Citron au 89.1 FM, c'est fou. Ouais. Se pencher sur la question et non.

Au retour, on entre dans le top 5 avec Damien Robitaille, Orange Orange, Vanesse Pariétaire, La Pâte à Rose et Radio Radio dans les Palmarès Fou édition Franco. Damien Robitaille avec un mot de passe stable en 5e. C'est pas dur à dire comme mot, mais 5e. Avant ça, c'était les trois accords avec Croquer des coups qui est stable en 6e. Tout à l'heure, on entend Orange Orange, mais avant ça, en 4e qui descend de 2 places. Voici Décapote de la Pâte Rose au 89 FM. C'est les Palmarès, c'est fou! Édition francophone. Je mens. sais plus, tu t'interroges et tu figes. Et tu te demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. Je ne m'étonne pas du tout de cette pièce d'Orange Orange. C'est Je suis le héros, ça monte d'une place. Et on vient d'entrer donc dans le top 3 hein, des palmarès, c'est fou. Avant Orange Orange, c'était La Pâte à Rose avec Décapote qui descend de 2. Et je trouve que ces pièces-là vont très, très bien ensemble. Très beau petit duo qu'on vient de vivre là, tous ensemble, vous et moi, à l'édition francophone des palmarès, c'est fou, qui se poursuit pour encore 2 positions. Et on va très bientôt, en fait, dans le prochain bloc, se rendre compte que la position numéro 1 de la semaine passée, Radio Radio, avec Deck Shoe, n'est plus numéro 1, on s'est rendu numéro 2. Je vous rappelle l'historique de cette pièce-là, là, de Radio Radio. C'est entré en nouvelle position. Je ne sais pas dans quelle position exactement, mais 20 ou 19, il y a quelques semaines de ça. Ça a monté d'un coup sec à la position numéro 1 et ça redescend à la numéro 2. Donc, ça a quand même été un gros, gros bon pour eux. Donc, on va les entendre tout de suite avec Deck Shoe. Radio Radio, descend d'une place au palmarès c'est fou au 89.1 FM. C'était plusieurs fois la même chose que j'ai dit là, finalement. Ça résume tout. Avec mes peines et l'enfant ou avec mes textes choux, et je vais marcher sur là, ou je vais marcher sur là. Avec mes peines et l'enfant ou avec mes textes choux, et je vais marcher sur là, ou je vais marcher sur là. can, tuna, caviar, Michelina, superstar. Marcher sur la main ou marcher sur la autoroute. Inimé, nima, nemo, c'est qu'est-ce qui veut du jello. Si ton sport, c'est du vélo, ben come on, baby, hello. Saute, danse, autour la question, marcher sur la haie. Ok, j'explique, c'est jet set dans ma minivan. No, then cut you my case in case, que ma case work pro. Hit case in case, que ma still work pro. Penny loaf of decks, you got that soul. Got the soul, got the gym. Nah, man, wish work my tan. Shopping channel, vend that scam. Copy, call it, shoot, come damn. Basically, so basic, so avec mes penny loafers. Marcher sur la haie, j'ai dit plus broke, ne y'a pillé. Marcher sur la. Pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Une paire de deck shoes, pas de boîte bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Buy-moi 15 minutes, puis watch mon parc de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Vegas, ça me coûte rien. Sur la côte, moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux avec de l'easy listening jazz qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, et j'vais marcher sur la, ou j'vais marcher sur la. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, et j'vais marcher sur la, ou j'vais marcher sur la. C'est ma life aquatic aeronautic avec mes deck shoes. Le jour, je fais rien de glue. Je m'achant pour des causes. Moi, je croyais rien du tout. C'est la new edition. Television match le piano. Tout ça, d'un monde qui sait. Tout le monde croit qu'il faut. Tout ça, d'un monde qui croit. Les histoires des matelots. Moi, je les ai trouvés sur le bout du chat. En marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller. Et marcher sur la plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la haie, j'ai dit plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, et j'vais marcher sur la ou j'vais marcher sur la. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, et j'vais marcher sur la ou j'vais marcher sur la. Radio et Deck Shoe dans les Palmarès C'est Fou édition francophone. Ça, c'est la position numéro 2 et en même temps l'ancien numéro 1. Alors là, on est rendu à cette là, position numéro 1. Ça veut dire qu'elle a monté. Elle a monté de 2 places. C'est un indice que je peux vous dire dès le départ. Comme ça, je vous cache rien. Ça a monté de 2 places. Ça me laisse vraiment pas indifférent. Je vous dirais que ça me fait comme un petit peu froid dans le dos quand je mentionne ce nom-là. C'était mon jeu de mots. Ça peut pas toujours être aussi bon. Ça peut pas être tout le temps à la même parité. Des deux jeux de mots. Et en première position. sol qui me fait trembler. J'ai jamais voulu te frapper. Position numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou, et je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je l'entends, je l'ai de plus en plus dans la tête. Avant de dire qui est en première position, on va faire le top 5. Donc en 5e, c'est stable, Damien Robitaille avec Mot de passe. En 4e, La Patère Rose avec Décapote. En 3e, Je suis le héros de Orange Orange. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Radio Radio avec Dekchou. Et on vient d'entendre en grande première position une pièce qui monte de 2 places. C'est Givresse de Vanesse Pariétaire. Ça, c'est sur la compilation Les Frères du Son volume 1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'internet. Voilà donc pour le top 5 et pour le top 20 francophone aussi, c'est terminé. Mais il nous reste un petit peu de temps, donc on va entendre une pièce, un classic gold hit de la formation Stars. On va écouter My Favorite Book et on revient juste après pour se dire au revoir. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. I was always late, you never afraid that we could be falling. All our friends would say that maybe we should wait, but they can't see what's coming. And to this day, when everything breaks, you are the anchor that holds me. And that is why we'll always make it. Shift your eyes. I never knew there was someone to make me come alive. When the days are long and the thunder with the storm can always get me crying, well, you can make my bed. I'll fall into it, shattered but not lonely. 'Cause I never knew a home until I found your hands. And when I'm weathered, you come to me, you're my best friend. And that is why we'll always make it. How I know your face, all the ways you move. Shift your eyes. I never knew there was someone to make me come alive. Stars et My Favorite Book qui était sur le palmarès à la fin de 2007 et ça a même chevauché sur le début de 2008. C'était dans les palmarès, c'est fou. Voilà donc pour l'édition de cette semaine. Les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre les Lutins de l'Enfer qui commencent à 20h. Nous, en direct, les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, on va continuer pour une demi-heure additionnelle qui va comprendre un petit peu de top 30 des CD. Sûrement pas de top 10 électronique, ni de top 10 loud, ni de top 3 des dessus canadiens, mais quand même, on les mentionne parce qu'ils sont fins. Il va sûrement aussi y avoir du palmarès de radio communautaire et universitaire canadienne. C'est dans la dernière demi-heure, l'extra sauce brune. Alors, restez avec nous. Et sinon, ben à la semaine prochaine et on se retrouve pour les gens qui nous quittent. On se retrouve à Assemblage requis en semaine, lundi au jeudi, entre 15h et 17h. Bye bye! Deuxième partie des palmarès, c'est fou, édition franco, mais en fait, on saute du francophone à tout ce qu'il y a d'autre qui n'est pas le top 20 anglophone ni le top 20 francophone. Ça peut être pas mal n'importe quoi, en tant que ce soit sous forme de palmarès ou de choses qui ont rapport avec les palmarès. Et juste avant la pause, on écoutait un petit peu de classic gold hits, entendu du Stars. Et bien, ça m'a fait penser à d'autres groupes que j'aime bien entendre. Pas parce que ça ressemble à Stars du tout. En fait, ces deux prochaines pièces, on va les entendre parce qu'ils ont un début assez similaire, je trouve. Vous allez remarquer, vous écoutez bien les débuts des pièces. On va commencer, on va continuer tantôt avec La Question et Compliqué évident. Mais on débute avec The CDs. Voici What's Left Behind dans les palmarès, c'est fou, édition extra sauce brune. Same old lives, but neither of us. making up to find. We're still drifting on what we have left behind. Qui sont assez récentes dans les palmarès de C'est fou. Ça, c'était La Question avec Compliqué Évidence. Ça date de fin 2009. Et avant ça, il y avait The Cities et What's Left Behind, qui était numéro 1 en janvier 2008. Vous êtes dans la portion extra sauce brune des palmarès C'est fou. Et je reviens entre les deux simplement pour vous dire qu'on change de beat un peu. Hein, parce qu'à un moment donné, ça serait bizarre. Là. Alors, on va l'entendre un petit peu de Gatineau. Ça, c'était sur le palmarès francophone à la fin de 2007. Et on s'en va entendre l'excellente pièce Back in the Days. Et après ça, on variera. On passera dans d'autres sortes de palmarès. Je vous le dis, ça s'en vient très très bientôt. Vous êtes au palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi aussi. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi aussi. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi aussi. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi. De toute façon, comment ça y est, une couple d'années à côté. Dans ce temps-là, y'avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Depeche Mode. Tout le monde disait partout que le hip-hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Mais sans rien, j'fais ça ma façon. J'fais ça frais, c'est bon dans maison. Un suit à petite house comme combinaison. Back in the days, dans ton avantage. Back in the days, avec mon ghetto blaster. Ces instruits de quoi le maudit. Ça met pas de but, mais c'est qu'on l'a maudit. Je rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul rap québécois que j'ai, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? The break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tant des vapeurs. Back in the days, I'm a allez, frérot. Côté BMD, Grandmaster Flash. Plus d'après-midi, j'ai le sandage. Fait du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ses vainqueurs. Back in the days, j'ai mon ghetto blaster. Gatineau et Back in the Days, ça c'était dans le passé, Back in the Days, à la fin de 2007. Que c'est sur le palmarès de C'est Fou, côté francophone évidemment. C'est l'émission que vous écoutez d'ailleurs, les palmarès C'est Fou, en ce moment, juste là, à votre radio, dans votre machine radiophonique qu'on appelle votre radio. Oui, ça n'a pas de sens, du tout. Alors, on va changer complètement de rythme, là, parce qu'on écoutait des vieux classiques de C'est Fou, des choses qu'on a déjà eu l'occasion de savourer pendant assez longtemps. Dans les palmarès précédents. Mais là, on va sauter dans quelque chose d'un petit peu plus courant. Hein? C'est le palmarès de Earshot, Earshot Online. Dans le fond, earshot-online.com, c'est leur site. Là. Et ça, c'est un genre de palmarès des radios campus et communautaires du Canada. C'est pas un genre de, c'est exactement ça. C'est un peu sa définition. Je regardais ça, le palmarès pour la semaine qui se termine le 2 mars 2010. Hein? Ben oui. Je regardais ça, des groupes qui ont l'air vraiment intéressants et qu'on n'a jamais entendu ici à C'est Fou. En tout cas, de ce que je sais, là, j'ai aucune idée, mais ça n'a pas vraiment joué. Par exemple, je sais pas, de Soul Jazz Orchestra ou Martha and the Muffins. J'ai absolument aucune idée de quoi ça a l'air. On les entendra peut-être à un moment donné, ceux-là. Mais ceux que j'ai choisis, ce sont Jaga Jazzist, qui est la position numéro 24. On va aussi entendre un petit peu de Beach House, qu'on a l'habitude d'entendre quand même ici à C'est Fou. Mais on commence avec quelque chose que moi, personnellement, je connais pas tant que ça. C'est la formation Ghost Keeper. On va l'écouter. La position numéro 32 du palmarès Earshot. Voici Mr. No Show. Et ça se passe juste là, dans les palmarès C'est Fou, 89.1 FM. Beach House et Silver Soul, c'est la position numéro 15 du palmarès Earshot des radios campus communautaires et universitaires, etc. du Canada. Avant ça, on a entendu Ghost Keeper, qui est la position numéro 32 avec Mr. No Show. J'ai bien aimé ce petit bloc-là. Ça fait beaucoup de choses qu'on devrait jouer ailleurs, assez fou, tu sais, comme ça. Mais qu'à un moment donné, on peut pas tout jouer en même temps. Hein? Des fois, c'est difficile de retenir qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a tellement de bonnes affaires. Bref, on continue l'émission avec une autre formation qui est dans le palmarès Earshot. On parle du numéro 24, c'est Jaga Jazzist. C'est une nouvelle entrée d'ailleurs dans le palmarès Earshot et on va écouter la pièce Toccata. Et j'ai bien hâte de savoir ce que c'est parce que ça nous dit progressif, alternatif, jazz. Et ça nous dit que ça vient de Norvège, donc c'est assez intriguant. On écoute ça à l'instant dans les palmarès. C'est fou! Oh, 89 FM! Thank you. La formation Jaga Jazziste et la pièce Toccata qui est la position numéro 24 du palmarès Earshot des radios universitaires et communautaires du Canada. Et encore une autre chose que j'ajoute à la liste de formations et de chansons que j'aime beaucoup. C'est très, très bon, ça, Jaga Jazziste. Je suis surpris. Pas que ce serait pas bon d'habitude, le palmarès Earshot. Au contraire, d'ailleurs. C'est pas mal la fin de cette édition des palmarès, c'est fou. On va se retrouver à Assemblage Requis dans quelques minutes à peine. On va se quitter avec la formation de Magnetic Fields qui est en position numéro 19 du palmarès Earshot. Ça va être la pièce I'll Dream Alone de cette formation new-yorkaise rock pop indie qu'on retrouve au myspace.com/TheMagneticFields. Et puis c'est ça, ben, il y aura Assemblage Requis après. Puis ceux qui ont raté des portions, des palmarès, c'est fou. Je vous rappelle que tout ça va être rediffusé, sauf la dernière demi-heure que vous vivez en ce moment. Donc le reste, le vrai top 20 franco et top 20 anglo, c'est les vendredis soirs à 17h que ça se passe, juste après Rock Classique et avant les Lutins de l'Enfer, bien sûr. Sinon, ben, suivez-nous en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. C'est anglo le mercredi et franco le jeudi. Donc soyez là en après-midi, juste après le dîner de con, et savourez cette bonne vieille musique qu'on retrouve ici à C'est fou 89.1 FM. Alors voilà, on se quitte avec The Magnetic Fields et I'll Dream Alone, et on se retrouve juste après la pause à Assemblage Requis. Restez avec nous. Long and lonely nights I've waited for. Put things to rights, leaving you to do your thing without disturbance from me. Somehow I doubt you'll ever be back. I'll keep your things if you ever need them. The phone still rings, and now that you're free of me at last, your time is your own. Go have a blast, and I'll dream alone without you. I'll dream alone if I must, because I guess all the little cats all in the sky just turned to dust. So I'll dream alone, I sure guess. Black and